Bon bah, Chin. Joyeux. Joyeux 20e épisode, ouais. Exact. Superbe. C'est éclaté. On veut de l'argent. Et des abonnés. Ah oui. On veut de l'argent. Et des abonnés. Oui. On veut de l'argent. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui. Oh non, j'ai dit on se retrouve, c'est nul. On est là aujourd'hui. On est là. Pour un nouvel épisode de La Bonne Franquette. Tu veux pas faire semblant de le refaire, c'est-à-dire moi je le garde au montage, mais là je te fais croire qu'on le refait, comme ça tu peux faire un truc mieux. Allez, viens, on le refait mec, ça sera mieux. Ouais, ok, ça sera beaucoup mieux. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui. Waouh, quelle énergie. Mais c'est pas grave, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Bonne Franquette. Un épisode très spécial. Très spécial, pourquoi? Parce que c'est le 20e. C'est le vrai numéro 20. Alors, ouais. Il est spécial pour deux raisons. La première, c'est qu'on l'a déjà enregistré avec un invité et que il est raté, tout simplement. Ouais. Donc malheureusement, on l'a perdu. Et DJ Fulgi, mais on va le refaire. Ouais, t'inquiète. DJ Fulgi. Et la deuxième raison pour laquelle il est spécial, c'est que c'est bien le 20e. Le dernier épisode, j'ai dit que c'était le 20e. Or, c'était le 19e, celui exact. Avec Marie. Qui dit anniversaire, chiffre tout rond, dit... Alcool ? Bien sûr. Non, attendez, je veux dire gâteau. Attends, on peut déjà, vu que tu l'as pris en main, oui. On peut déjà trinquer, oui. Car j'ai vraiment envie. Oui. La tienne. Attends, mais tu ressens le manque dû à l'alcool, là. Non, pas du tout. Ça fait du bien, par où ça passe. Un bon petit bourbon. Mais qui dit anniversaire, buvez dit surtout... Buvez de l'alcool avec modération. Dit surtout, ce qui est modération. Allez. Gâteau d'anniversaire, oui. Et c'est pour ça que... que je vais allumer tout de suite. Oh là là, je vais vite l'éteindre, car sinon ça va couler. Bah, c'est déjà le cas. Waouh. Waouh, allez. Allez. Alors, c'est de toute beauté. Ah. Bon, bah, Chin. Joyeux. Joyeux 20e épisode, ouais. Exact. Superbe. C'est éclaté. C'est nul. Claqué du c'est sol. C'est nul. Mais en vrai, c'est trop cool parce qu'on va manger. J'adore du ça. Du coup, on le mange comme ça. Non, j'ai ramené des... Attends, on peut mettre... Des ustensiles. Ouais, mais je sais pas où elles sont. Je les ai laissés là-bas. Nice. Superbe. Oh, bon, j'ai de la cire sur ma tarte. On peut peut-être prendre un petit mais peu putain, de crème. Mais pas une bougie super chaude sur mon bureau. Tu n'as aucun respect, c'est incroyable. Moi, j'en ai mangé un. Le gars n'a aucun respect. Waouh, c'est fou. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, c'est pas le podcast de la nourriture. On pourrait le croire. Hein. On pourrait le oui. croire. Est-ce qu'il est bon tu me permets que je goûte Vas-y. Régale-toi, prends une petite lampée, là. Non, parce qu'en réalité... Ça, c'est dégoûtant. Ce qui est bien avec... Je avec vous autorise à partir. C'est qu'on peut manger. Partez. C'est ça le plus important. Parce qu'au final, ce que je viens de dire, c'est un peu l'essence de la vie. Donc. C'est, ouais, ouais. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Exact. Alors, aujourd'hui, on a un épisode très sympa. Pourquoi ? Parce que dans 4 jours, sort le Joker. Oui, un film. Avec Joaquin Phoenix. Qui va... révolutionner l'histoire du cinéma de super-héros. Alors, calmons-nous. Mais non, mais déjà, c'est sûr, il n'y a pas de super-héros. Je me mets un peu d'attente. C'est sûr, 100%, il n'y a pas de super-héros. Mais ce qui nous hype beaucoup... Il n'y a pas Batman. Ce qui nous hype beaucoup, c'est que... alors, il n'y a pas Batman, mais je crois qu'il y a Titeuf. Titeuf dans Joker. Titeuf vs le Joker. Wow. C'est un film, c'est une production française. Un combat que j'ai toujours voulu voir. En fait, c'est la suite de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, mais avec Titeuf et le Joker. Exact. Waouh. C'est le cinéma français. Ça me paraît très bien. Ça fait plaisir. Non, mais voilà, effectivement, il a eu que des bonnes critiques. C'est incroyable. Attends, mais t'es rappeur. Que des bonnes critiques. Dithyrambique. Le mot dithyrambique. Dithyrambique. Qui n'avait pas été utilisé. Dithyrambique. Aujourd'hui, j'ai un problème avec les mots. Il faut que je vous raconte un truc. Avant, on écoutait. Pas obligé de. On écoutait. Zola, Bernard Tapie. Non, c'était. Freestyle Spider-Man. Non, c'est California Girl de Zola. Ah. Et où d'un moment, il dit. Parcobiche. Ah, non, pardon, c'est effectivement, c'est dans Bernard Tapie, ouais. Je crois. Et il dit à un moment. Il dit Parcobiche. Gang. Et Parcobiche gang. Et Vincent a dit Marouiche gang. Il croyait pendant ces mois. Qu'on disait Marouiche Gang. C'est juste que, voilà, je répète ce que j'entends. Et après, il m'a dit, ah, mais je croyais qu'il disait des syllabes au hasard, moi. Incroyable. C'est, là, c'est je veux dire, le non-respect envers le là, rap, c'est toujours pas le cas. D'accord. Alors, donc du coup, on avait envie de parler de cinéma car nous sommes férus de cinématographie. Exactement. Oui. Mais d'abord, avant tout. Exact. Quand même. C'est, avant tout. c'est vrai, en fait un deuxième anniversaire. Oh. C'est aujourd'hui. Tu t'es rappelé de mon mien? Mon anniversaire. Oh mec, ouais, toute la journée. J'ai cru que tu l'avais oublié. Non. Ça fait trop plaisir, c'est mec. C'est pour ça que j'ai pris les gâteaux et tout. Attends, tu les as payés, mais... C'était là pour la balle en fourquette, ça. Ouais, mais c'était aussi pour ça. Mais est-ce que... Quoi? Ouais. Non, t'as oublié mon anniversaire. Non. T'as oublié mon anniversaire. C'est inadmissible. Non, impossible. Non, je t'offre ce magnifique micro rouge, il est pour que toi. Que j'ai payé moi? Ouais. Mais c'est fou, à chaque fois qu'il y a un truc pour mon anniversaire, c'est moi qui le paye, c'est dingue. C'est incroyable. T'es en train de faire une critique. Tu es pince sans rire. Pince sans rire, punaise, ma mère disait ça de moi. C'est vrai. Je suis ultra pince sans rire. Il est bon, ça. C'est-à-dire qu'on te fait mal et tu rigoles pas. C'est normal, en fait. Bâtard, t'as vraiment appuyé fort. Il aurait juste pu faire. Il a fait. C'est parce que genre, je t'en veux un peu. Mais bon. Exact. Ce bourbon vanillé est vraiment bon, je trouve. Ouais, il est très sympa. Il est doux, tu vois. Il t'arrive en bouche comme une petite fleur, comme ça. Une petite fleur en bouche? Oui. Mais par contre, je voulais dire que. Gros malade de vegan. Le deuxième anniversaire aujourd'hui, oui. C'est. Celui du rap ou pas rap. Exact. Qui qu'on fête a remplacé son... par un film ou pas film. Alors, non. Je pense qu'on peut trouver un meilleur nom. Non, ouais, on peut dire... Genre ça peut être... Devine le film. C'est... Ouais, ou alors synopsis inventé rigolo qui en fait veut parler d'un vrai film qui nous a marqué. C'est un peu long, mais ok. Allez, c'est parti. Non, attends, c'était quoi? Devine le film, c'est bien, vas-y. Devine le film. Vas-y, jingle. 1, 2, 3. Devine le film. Incroyable. J'ai fait les bacs. Attends, c'est Arte, ça. C'est pas Canal Plus? Ah, si, c'est Canal Plus, t'as raison. Je te laisse commencer. Ah, donc, le synopsis de ce film. Attendez, il y a un chat qui mord mon sac. Nexi! La pauvre, elle est cardiaque. C'est bon, j'ai coupé. C'est bon, tout est sous contrôle. La zone est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Dédicace à Dajou et Niska, je crois. Non, du coup, alors, le synopsis de ce jeu, c'est que justement, on a regardé des synopsis de films qu'on apprécie, qui nous sont chers. Et on les a un petit peu remaniés, voilà, de manière rigolote, on les a vulgarisés. Exactement. Pour qu'ils soient drôles, mais chrétiens. c'est le seul mot qui m'est venu, chrétien. Car j'adore la foi. Je suis transcendé par la voix. Je suis un chanteur. On coupe. Allez, vas-y, je te laisse. Mais ce qui va être peut-être assez marrant aussi, c'est qu'on ne s'est pas concerté. Oui, ça va être marrant, bien sûr. Regarde, je rigole. Waouh. On ne s'est pas concerté sur les lignes directrices à prendre en compte pour écrire ces synopsis de films. Exact. Donc, peut-être que tu auras des trucs très différents des miens. Oui, c'est sûr. On peut dire qu'on les a écrits dans l'ombre. Dans l'ombre. Mais pas à l'ombre. Car très peu de soleil en ce moment. C'est l'automne. Là, on est en prison. Il fait que pleuvoir. On est à l'ombre. On est à l'ombre. Je t'ai mis à l'ombre au placard, mon pote. T'es à l'ombre. T'es derrière le barreau. À l'ombre. Alors, j'ai une anecdote avec ce nom. En fait, c'est le nom. Allez, vas-y, raconte ton anecdote. Vas-y, moi, j'attends avec mon film. Quand j'ai commencé à faire des clips, j'ai acheté un GH4 Lumix. Très cool. Maintenant, c'est très, très peu cher et c'est vraiment bien pour commencer. Et en fait, j'ai acheté cette caméra. C'était une seconde main. Alors que ce magnifique A7 III est une première main. Je l'ai acheté full price. Et je m'en suis toujours pas remis, d'ailleurs. Tu t'en vantes encore tous les jours. Et j'ai acheté ce GH4 à un ex-rappeur. Yes. Dont le blaze était El Hombre. El Hombre. À Colmar. Et je lui fais des bisous. Il me l'a vendu d'une manière un peu. C'est comme si un gars gang te vendait un objet, tu vois. C'est comme si un vendeur chez Darty était gang, tu vois. Genre vraiment. Là, tu vois. Tranquille, direct, tu peux faire que des bons trucs avec ça. Là, genre, t'as les fonctions et tout. Au bout d'un moment, il y a sa meuf qui appelle et qui dit: ouais, tu rentres quoi? Il dit: ah, c'est bon, arrête de me lécher la chatte là, j'arrive. Il a dit ça. Alors que lécher la chatte, ça ne me regarde pas. Enfin, bon, bref. En tout cas, ce qui me regarde, c'est le jeu et c'est ton tour. Yes. Alors, tu vas devoir deviner. C'est ouais, non, je te dirai vraiment rien pour l'instant. Exact. Même pas le jeu, en fait, j'arrête. Oh, qu'il y a un problème là. Quoi, non? Attends. C'est bon. Je m'entendais plus. Nice. Ça a dû te faire des vacances. Alors, est-ce que tu es prêt? On va je commencer. Je suis né pour ça. C'est l'histoire. De la vie? Bah non, laisse-moi finir. Ah pardon, c'est l'histoire du jeu. C'est l'histoire d'un mec. C'est le Roi Lion. C'est Coluche. Coluche, le film. C'est l'histoire d'un mec qui a de réels problèmes avec son père. Ok, donc pour l'instant, c'est 100% des films français. Pendant le film, à un moment donné, il embrasse sa sœur. What the fuck? Et s'entraîne sans relâche avec une sorte de... C'est pas les bons films. Non, c'est... Ah, c'est... T'es allé sur le mauvais site web, là. Pornfilm, c'était pas... Non. Oh, merde. Attends, il embrasse sa sœur. Oui, il embrasse sa sœur pendant le film. Et il s'entraîne sans relâche avec une sorte de bâton hyper évolué. C'est Sangoku. Non. C'est Dragon Ball Evolution. Non. Attends, il a des problèmes avec son père. Ouais. Il a un bâton énorme. Ouais. Très et il évolué. Sa sœur. Mais mec, c'est un film porno. C'est clairement un énorme bâton. C'est le synopsis. Oh là là, j'en ai marre, papa. Je vais baiser ma sœur. C'est un film porno du Nord de la France. Ouf. On vous embrasse, les Nordistes. Les Nordistes. qui fait ça? On vous embrasse, les Nordistes. Genre, tu crois que tu vas avoir du respect comme ça? Waouh. Je pisse au cul de tout le monde. Il y a plus de bourbon, plus jamais il y a du bourbon. Toi, t'es un malade. T'es un malade. En même temps, si on n'enregistrait pas à minuit au lieu d'enregistrer à 18h comme c'était prévu, écoute, la vie est pleine de surprises. Du coup, t'as pas d'idée pour l'instant. Attends. Ouais, aide-moi un peu. Ouais, c'est une série de films. Ok. C'est une grosse saga. C'est Scream. Non. Oh, c'est Star Wars. Yes. Bien joué. Bien sûr, évidemment. Ah ouais, et c'est bah, Anakin en fait. Exactement. Dark Vador. Bah oui. Non, c'est Luke. Qui a des problèmes avec son père, Anakin. Il embrasse sa sœur, Leia. Ah oui, pardon. Leia. My bad. Et ouais, il s'entraîne sans relâche avec un bâton hyper bien évolué. Il y a eu tellement des sabres laser. Il y en a eu de spin-off et tout. Maintenant, je sais plus. Et plus. Et bah, le 9 sort cette année, à Noël, non? Exact. Oh là là. Franchement, je me demande bien ce que ça sera. Enfin, hormis le fait que ça va ouvrir une nouvelle trilogie, bien évidemment. Ouais. Je me demande bien à quoi ça va servir. Non, c'est le 9. Oui, mais mec. Attendez. Mais ouais, j'ai hâte de le voir. Le 8 était très bien. Je peux même le faire encore mieux. Le 7 était très bien. Et en plus, ça me permet de flex un peu. Attends, mais c'est l'argent de la drogue, ça. Il est vrai. Alors, c'était Star Wars. C'était Star Wars. Bien joué. Tu l'as eu. C'est à toi maintenant. Super. Donc, j'ai combien de points? T'en as 47. Ah, quand même. Ouais, c'est pas mal. Ça fait plaisir. Alors, un gentleman... Un moine. Un moine gentil, un gentleman. Un gentleman, c'est James Bond. C'est Sherlock Holmes. Mais non. Mais laisse-moi putain de finir. Ouais. Un gentleman se voit être obligé de prendre des vacances suite à une bagarre sur son lieu de travail. Il se retrouve ainsi à jouer au poker avec un surdoué en mathématiques qui finance des terroristes. Est-ce que ce serait pas... James Bond Casino Royale. C'est James Bond Casino Royale. Et pour avoir répondu juste après deux mots, est-ce que mec, j'ai pas beaucoup de points là? T'avais trois chances sur une. T'avais trois chances sur une que ça soit James Bond, c'est sûr. C'est sûr, c'était ça. Forcément, j'allais plus, mettre James Bond. Hors caméra, on en parlait un peu des films et tout qu'on avait. Et je lui ai dit, t'as mis James Bond. Il m'a dit, mais non, j'ai pas fait des trucs aussi. Bah, faut bien que je te brain, non, sinon c'est facile. Mais sache que je voulais mettre les trois. James Bond, j'en ai mis qu'un. À toi. Ok. Alors, c'est un film dans lequel... Le Roi Lion. Ah, ça a pas commencé. Coluche le film. Non, c'est là, impossible de trouver, vraiment. Même en disant des réponses au hasard, là, c'est chaud. C'est un film dans lequel on apprend que, finalement, être un alcoolique, fini n'empêche pas d'avoir une incroyable maîtrise du combat au corps à corps et être doté d'une intelligence, d'une agilité et un esprit cartésien hors du commun. Là, c'est fini, là? Ouais. Le Roi Lion? Coluche le film? C'est toujours pas ça. Non, tu peux répéter, j'étais concentré sur ma blague. Qui était pas si dingue, finalement. Non, mais je voulais vraiment la faire, et cette pochette bleue m'a littéralement hypnotisé. Mais je suis très fatigué, je vous ai prévenu. Oui. Ok, bon bah... Après, c'est peut-être la drogue. J'arrête aussi. Le podcast. C'est peut-être la drogue aussi. Vas-y, tu peux répéter? C'est un film dans lequel on apprend que finalement, être un alcoolique fini n'empêche pas d'avoir une incroyable maîtrise du combat au corps à corps et d'être doté d'une intelligence, d'une agilité et d'un esprit cartésien hors du commun. Sherlock Holmes ? Exact. C'est lequel le bien joué. Ouais, c'était pour moi toute la série, mais ouais, je pensais surtout au premier quand même. Alors, plutôt classique, mais efficace. Au niveau... ok, je continue. Superbe. À cause d'une trahison regrettable... Spider-Man. Non. À cause d'une trahison regrettable... Là, ça aurait été marrant que c'est que tu redises un truc, tu vois, et qu'on refasse genre « à cause d'une trahison regrettable » à chaque fois, tu vois, ça aurait été marrant. Ah ouais, j'ai pas d'humour, donc cause, ça marche pas. À cause d'une trahison regrettable, un homme rencontre la mort. Mais il réapparaît peu de temps après... Jésus, c'est Jésus. Pour retrouver... Jésus, les, Judas. Pour retrouver les siens et sauver le monde. Bah, c'est... C'est non, mais c'est Jésus. Jésus, non. Le film. Jésus, le film. Il y a bientôt Jésus, le jeu vidéo aussi. Jésus 2. Il y a Jésus 2 Jésus aussi 2, bientôt. Le retour. Non, mais effectivement, ma blague, c'était que ça ressemble à Jésus. Au parcours de Jésus. Au parcours de Jésus. Au biopic. Hein, mais en vrai, c'est la même histoire. Mais c'est la même histoire que Jésus, sauf que c'est pas du tout Jésus et pas du tout la même histoire. À cause d'une trahison, une histoire de vengeance. Alors, le mot trahison, c'est un peu fort. En vrai, c'est une décision regrettable plutôt. Mais j'ai été obligé de mettre tradition si je voulais faire la blague. Tradition. Tradition, j'adore les traditions. T'as d'autres indices pour moi là? C'est un film avec un acteur attends, homme très connu de style un peu badass à la Liam Neeson et tout. Tout ça, je peux pas dire, mais je peux dire Chine. Je peux dire Angleterre. Ah non. James Bond. Exact. Lequel? Quoi? Encore? Oui. Donc en fait, ta blague de je voulais mettre les trois au début, tu m'as encore brain. Je sais pas. Alors, c'est lequel? C'est Skyfall. Exact. Ouais. C'est Skyfall. Mais t'as vu, c'est bien trouvé, je trouve, la blague avec Jésus. La comparaison, elle est cool. Ah ouais, Jésus, c'est Daniel Craig, finalement, c'est ça? Bah, pour moi, c'est le sauveur, quoi. Ah. Moi, ma religion... D'ailleurs, je crée une religion à partir de maintenant qui est basée sur Daniel Craig. Et la première règle, c'est vous n'avez pas d'icône, sauf Daniel Craig. Ok. Voilà. À toi. J'en fais pas partie. Alors là, c'est pas vraiment... C'est pas mignon du de tout. Croire que t'as le choix. C'est pas du tout un synopsis de film cette fois. Comme c'est ridicule. C'est surtout une réaction finalement. Oh waouh, wow, super. Donc tu respectes pas les règles de ton propre jeu. Exact. Et après, c'est moi le mauvais joueur. Très bien. Et d'ailleurs, on compte pas les points finalement. Oh super, parce que tu vas perdre. Nice. Bon, allez, c'est bah quoi? Mais non, j'ai trouvé James Bond tout de suite. Tu triches. J'ai eu un renvoi. après avoir vu ce film en étant enfant. Spider-Man. Tu te retournes, non, c'est pas ça, mais j'aurais adoré. Inception. Tu te retournes d'un coup à chaque fois que tu sors de ta chambre. Quoi? C'est un film d'horreur du coup? Non. Hein? Franchement, quand tu le sauras, tu te retournes quand tu ouais. sors de ta chambre. Ouais, dès que tu t'ouvres la porte de ta chambre, tu la fermes doucement et t'ouvres d'un coup et tu regardes. Quand t'es enfant. Toy Story? Yes! Ah ouais. Alors du coup, je vais continuer. T'es prêt? T'es prêt ouais, ou pas ouais. Ok. Un homme bizarrement perspicace déjoue les plans d'un... J'en ai rien à foutre. Attends, mais t'es une grosse salope de rageuse. Je m'en bats les couilles. Encore faut-il en avoir. Alors, un homme bizarrement perspicace déjoue les plans d'un magicien qui a infiltré le gouvernement. Mais le magicien réussit à tromper sa vigilance pour s'enfuir et les deux jouent à police voleur sur un pont en construction. Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Tu me blagues? Non, vraiment. Elle est si longue, c'est ce qu'elle dit tout. Alors, un homme bizarrement perspicace déjoue les plans d'un magicien qui a infiltré le gouvernement. Mais le magicien réussit à tromper sa vigilance pour s'enfuir et les deux jouent à police voleur sur un pont en construction. Est-ce que c'est Thor? Non. Non, non, pas du tout. Mais il y a un lien. C'est via acteur, c'est il y a Avengers. Un lien. Non. Mais via acteur, il y a un lien. Chris Hemsworth? Je peux pas te dire comment, mais via les acteurs, il y a un lien. Entre les acteurs de mon film et les acteurs de Thor et tout, il y a un lien. Est-ce que c'est un film de l'univers Marvel? Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ok. Est-ce que c'est... Ouais, mais je connais pas d'autres films avec Chris Hemsworth. Je connais le film. Ah, oh, mec, c'est sûr, sûr et certain. Tu le connais bien mieux que tu ne le penses. C'est un film très connu. Ah, pff, alors là, mec, t'en as entendu parler encore très, très, très récemment. Ok, attends, ils sont sur un pont et je vois police voleur. C'est sans doute bah, Spider-Man, je vois pas de, je vois rien d'autre en fait. Eh bien non. Non, c'est quoi ? Je sais pas. C'est Sherlock Holmes 1. On a mis le même film. Quoi ? Bon bah ça, ça vaut une petite claquette de main. Yes, I une claquette de main. Bah, plus jamais je t'en fais une. Ah, sur ça, plus jamais je t'en fais une, c'est clair et net. J'ai envie d'instaurer cette expression pour dire... La claquette. Une... La claquette de main. Et la claquette, elle est au pied, normalement. Claque, hey, la claquette. Comment il s'appelait le rappeur? El Claquette. Non, El Claquetos. El Claquetos. Non, c'était Alrima. Alrima officiel. Et des Claquetos. Alors. Des bisous. Écoute, je te propose de faire la pause maintenant. Et ouais. Tout de suite, on enchaîne avec des films qui ont marqué notre vie. C'est parti. Qu'il est difficile d'être le roi de la France. C'est vrai qu'elle est bonne. Mais en même temps, les mecs, je trouve qu'il y a tellement de sucre de meringue et tout que c'est un cheat code en fait, tu vois. Tu peux pas être déçu. Franchement, quoi qu'en vrai, ça m'est déjà arrivé. Ça et les cheesecakes, c'est sans doute mes desserts préférés. Monsieur tiramisu. Et pas le tiramisu. Ça l'est aussi, mais je l'ai placé. Ah ouais, dans une moindre mesure. Ouais. Encore une preuve que tu n'as pas de goût. Alors, un film qui t'a marqué, Vincent. Voilà, un film qui m'a marqué. Je vais mettre. Alors, mieux le. L'un des films qui m'a le plus marqué. Parce que je suis en train de manger là. Oui. Je vais profiter un peu d'ASMR pour tous les gens qui nous regardent. Bah, c'est évidemment. Non. S'il te plaît, parle pas de Spider-Man. Shutter Island. Non, t'allais parler de Spider-Man. Non. Non, mais c'est incroyable. Un film que j'ai vu 50 fois et il y a un homme araignée dedans, c'est Spider-Man. Non. Mais c'est incroyable, non. On te donne une tribune pour parler pour une fois d'un autre film que celui dont tu parles tout le temps. Et c'est Spider-Man! Exact! Non, mais je l'ai vu tellement de fois en étant petit. T'es passionné. Je crois en mes rêves. T'es passionné et ça, c'est oui. Vive la passion. Par contre, me touche plus jamais. Pardon, excuse-moi. Ah! Vive la passion. Et ouais, vraiment, c'est. En fait, je voulais juste faire un petit aparté dessus parce que je l'ai vu vraiment 50 fois quand j'étais petit. Et c'est pour ça que ça a été un film marquant. C'est celui que j'ai le plus vu au monde. Mais bref. En fait, je voulais parler aussi de Shutter Island, qui est finalement, je pense, le premier film avec un gros cliffhanger à la fin. Attends, cliffhanger, c'est pas le suspense, c'est quand c'est quand il y a un retournement de situation. Non, ça c'est un twist. Ah voilà. Cliffhanger, c'est le suspense. C'est ouais. Tintin. To be continued. Bah, c'est le premier film avec un énorme twist à la fin que j'ai vu et qui m'a vraiment retourné. Une volte-face. Exact. J'adore la langue française. Est-ce qu'on peut se marier avec la langue française ? Bah non, je pense pas. J'ai envie de lui faire tellement d'enfants, mec, tous les jours. Des enfants. La langue française. J'adore. Des petits du papier, de l'encre, c'est pas. C'est vrai. Après, tous les goûts sont dans la nature. C'est vrai. T'es qui pour juger ? PTDR, t'es qui ? En même temps, si tu fais des enfants, après, ils auront papier. Oh ! Non, c'est nul. Pas besoin de continuer très vite. Non, oui. Du coup, ouais, Shutter Island, en fait. Je me baladais sur des forums tels que le 15-18 et en fait je cherchais des films qui étaient comment dire des films marquants en fait. C'était une époque où je me suis dit vas-y je sais pas quoi regarder, je vais aller voir sur internet ce qui se dit, quels films sont à voir et dont je n'ai jamais entendu parler. Et Shutter Island c'était le cas, j'en avais jamais entendu parler et je me suis dit bon bah vas-y je vais tester ça et j'étais à fond du début à la fin. Il est très prenant. Hein. J'étais incroyablement retourné à la fin vu que c'était le premier film avec twist que j'ai vu et depuis cette époque j'adore les films comme ça. Voilà. Il y en a plusieurs hein. Je sais pas si t'as des exemples. Bah mais... quasiment tous ceux de M. Night Shyamalan. C'est vrai. Ça fait très cliché de dire ça, tu vois, genre un film à la Shyamalan avec un twist. Ouais, il y a toujours des twists. Mais en réalité, c'est vrai que c'est quand même Top Burgers vous a ajouté à ses amis. Bah, merci Top Burgers. Super. À quand la sponsor en fait? Exact. Top Burgers. Maintenant que vous êtes apparu dans la bonne franquette, le chèque. Le enfin, chèque. Les burgers. Moi, je m'en fous de. Ah non, le chèque. Non, tu prends un chèque. Comme ça, t'as plein de burgers. Ah ouais. Putain, mais faut tout expliquer en business, incroyable. Tu comprends. Hein? Tu couperas ça. Ah non. Ah non, la partie où t'es nul en business. Oui. Oh, pff, tu rigoles ou quoi? Je vais mettre ça en boucle. 10 heures de... Ah ouais. Sam, tiens-toi à jour. Tiens-toi à jour. Oui. Ok. C'est quoi, c'est une menace? Bah non, il doit juste vivre, quoi. Ah tout. D'accord, bah... Soit écoute, vivant. Hydrate-toi bien. Ah ouais, voilà, Sam. On t'aime, Sam. Et tiens-toi à jour. Tiens-toi à jour. Fais les mises à jour Avast, sinon on va te gueuler dessus. La base Miral VPS. Attends, t'avais déjà Avast à l'époque où l'alarme de Avast, c'était... Oui. Tu l'avais ça? Oui. Mec, insupportable. Comment tu peux vivre avec des trucs pareils? Mec, le nombre de fois où je suis passé à ça de l'arrêt cardiaque. Il y a forcément eu des morts chez eux et un jour ils ont dit non, faut changer. Il y a mes trois filles qui sont mortes d'un coup hier soir. C'était incroyable. Putain, terrible. Bref, la base virale VPS a été mise à jour. C'est presque aussi chiant qu'en vrai ce que tu viens de faire. Shutter Island. Ouais, en plus, je trouve que en plus, on pourrait s'attendre à un twist final qui est tout autre, mais je trouve qu'il est, enfin moi je m'étais fait une autre idée du film, tu vois, et le twist final m'a réellement surpris. Genre, ouais. Je me suis dit j'étais vraiment surpris, tu vois. Des fois, on arrive à grappiller 2-3 indices et à se construire une histoire jusqu'à ce que, une hypothèse tangible, tu vois. Et genre là, à la fin, t'avais rien. Ouais. Franchement, je m'attendais vraiment, vraiment pas à ça, tu vois. Jusqu'à la fin, ah ouais. Mais en parlant super citation que j'ai envie de retrouver. Il y en a une dans le. Okay. Attends, c'est quoi? C'est soit vous mourrez assez tôt pour vivre en héros, ou vous mourrez. Vous mourrez assez longtemps pour vous voir devenir un monstre. Non, vous vivez assez longtemps et vous mourrez. Ouais. C'est ça, c'est un truc comme ça. Mais Batman The Dark Knight, ça? Mec, mais arrête avec tes films de super-héros de merde! Non, mais c'est sûr à 100%. Oh, c'est Double Face qui dit ça à. Non, c'est Jim Gordon qui dit ça à Double Face. Non, mais en vrai. Double Face qui le dit avant d'être Double Face. En vrai, je pense que c'est. T'as clairement raison. Mais. Attends, je cherche la truc de. Mieux vaut-il vivre comme un monstre ou mourir en homme bien? Non, c'est pas ça. Ou un truc. Ouais, c'est. Tu sais, c'est les genres citations-célèbres.leparisien.fr. C'est des randoms qui ajoutent ça. Attends, 7 citations de Shutter Island. Ah, si, c'est ça. Mieux vaut-il vivre comme un monstre ou mourir en homme bien? Un truc du genre. Ah, oh, ok. Tu ne comprends pas, tu es un rat dans un labyrinthe. Ok, très bien. Mais ouais, il y a un truc comme ça. Alors, voilà. Bébé, moi j'ai celle de The Dark Knight, c'est soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser le rôle du méchant. Nice. Ce qui est quand même totalement faux, mais ouais. c'est vraiment une pirouette de dialogue pour faire avancer ton film. Mais dans le film, ça marche tellement bien. Ouais, mais bon, c'est quand même. Je trouve que c'est dommage d'avoir recours à des ficelles comme ça pour avancer, tu vois. Parce que en train de critiquer le meilleur film de super-héros tous les temps après Spider-Man. Bah, c'est pas Spider-Man 2 après la trilogie. Allez, tu n'as aucune valeur, c'est bien ce que je pense. Mais non, et puis en plus l'acting du film est quand même magistral. Ah, après DiCaprio, j'ai jamais vu un film de DiCaprio où je me suis dit annule DiCaprio. En fait. Même Roméo Juliette avec lui là. Alors, je t'avoue, complètement flou. Je ne me rappelle plus du tout. Tu ne l'as jamais vu? Moi, je suis même pas sûr de l'avoir vu. Ouais, c'était un Roméo et Juliette moderne. C'est le premier, non, truc. Mais je crois qu'il n'est pas si mal. Ah ouais? Et mes sœurs regardaient ça quand j'étais petit. Après, le truc où il est capitaine d'un navire, le navire coule et après, il n'arrive pas à nager, je sais pas quoi. Assez nul. Pas ouf, hein. Genre, c'était un biopic sur Michael Phelps, je crois, un truc genre. Ouais, il n'arrivait pas à nager. C'est assez moyen. Mais juste en parlant de films à twist, moi j'aimerais en donner à nos auditeurs, parce que moi j'adore ça en fait. Mais t'es quelqu'un de généreux. Ah, je donne. J'ai envie de mettre donner ça. De l'argent du coup. Ah, je crois qu'on m'appelle directement. Attends, mais y a eu ni sonnerie, ni... tu es sur les grandes verrouillages. Ah mince. Démasqué, comme je suis bien. Dans Spider-Man 2. J'arrête. J'arrête tout. Non, mais on peut aussi citer Seven. Seven, ce film à twist incroyable. Toi, je sais pas si ça, tu l'avais vu venir peut-être. Avec Kevin Spacey. T'es agressé. Tu l'avais vu venir peut-être ça. Wow. T'as dit que dans Shutter Island, t'avais rien vu venir et que c'était le seul film. Ça, tu l'avais vu peut-être. Non. J'avais pas vu venir. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Non, mais... C'était bien joué. Jusqu'à la fin... Merci. Jusqu'à la fin, franchement, on se dit... Non. Déjà, qu'est-ce qu'il y a? Et quand on commence à comprendre, on se dit non. Non, c'est pas possible. Enfin, terrible. Vraiment horrible. La fin de Seven, c'est incroyable. Et j'ai eu un frisson, là, en y repensant. Incroyable. Très, très, très, très bon film. Ça parle d'un tueur qui tue selon les 7 péchés capitaux. Exact. Donc, à chaque fois, il tue un tueur en série, donc qui tue à chaque fois une personne. C'est un peu graphique, mais sans trop... Parce que forcément, tu parles de la mort, etc. Je crois que c'est Fincher, non? Si je me souviens bien, Ou Scorsese? Non, Fincher. C'est clairement pas Scorsese. Ok. Ouais, c'est Fincher. Et ou alors Lynch? C'est Lynch ou Fincher? J'ai un gros trou. Je crois que c'est Fincher. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais qu'est-ce qu'il est bien. Il y a Fight Club aussi, mais que moi j'ai pas accroché. Un des films les plus surcotés, je trouve. Bah ouais, moi je me suis. Ça fait vraiment. En fait, ce que j'aime pas, c'est tout le côté masturbation intellectuelle, tu vois. Sur un truc où il n'y a rien, quoi. Genre, c'est un gars fou. Et en gros, c'est ça, en fait. C'est un gars fou qui se bat contre lui-même parce que ceci, cela. Alors, peut-être en train de spoiler. Franchement, si vous n'avez pas vu Fight Club. En vrai, on s'en fout, je sais pas. Non, mais en vrai, on va quand même pas se mettre des barrières pour ça. Après, c'est l'un des films les plus marquants de sa génération pour beaucoup de personnes, mais... c'est pas grave, moi je l'ai pas aimé, donc tu balances. Ah non, j'assume. Là, on donne des films pour que les gens aillent voir, tu vois. J'assume. Ok, bon, alors... Faites-vous votre propre avis. En vrai, j'ai dit un spoil extrêmement flou de Fight Club, donc je vais vous faire un extrêmement cadeau. Extrêmement fou, comme le héros. 1, 2, 3, je spoil. Donc à la fin, on se rend compte qu'en fait, Tyler Durden est un personnage qu'il a inventé, et c'est lui-même, et il se bat contre lui, en fait, depuis le début. Donc ensuite, tu peux rentrer dans des grilles de lecture de « ouais, c'est toute une métaphore sur le rêve et le surpassement de soi à travers des obstacles personnels. » Enfin, t'as plein de grilles de lecture différentes, mais je trouve que il y a vraiment... c'est pas le film qui m'énerve, mais c'est la communauté qui le vénère, tu vois. Comme si c'était... C'est la communauté qui le vénère, qui te vénère. Exact. Tu es un peu MC, toi aussi, je crois. Ouais, bah moi, je rappe tous les samedis soirs. On est samedi soir. Bah je devrais être en train de rapper. Bah c'est ta scène. Là c'est merde, je suis ton seul public. Ah bah je. Allez, je te fais un beat. 1, 2, 3 et 4. Ok, on est là posé avec le poteau. C'est off beat. Combien genre peut-être 2-3 secondes. C'est off beat et je dirais même je suis une beat. En rap. Ça l'engage. Putain, je suis fort en fait en autoclash. Allez, s'il vous plaît, changez de vidéo, faites autre chose. non, très sérieusement, effectivement, bon film. Mais en fait, c'est vrai. En fait, je trouve que ça fait partie des œuvres où la communauté vampirise le projet négativement. Style Kaamelott, OSS 117. J'allais dire ça. C'est des films qui sont très bien. En vrai, j'ai beaucoup aimé en réalité Fight Club. Mais c'est vraiment la communauté autour qui me fait détester. Par exemple, Antoine. Antoine qui adore ce film. Non, mais il c'est son préféré. Ou alors peut-être, mais il m'a jamais saoulé avec ça, contrairement à tellement d'autres qui disent oh, mais attends, tu te trompes. Non, pas en vrai. Le savon est fait avec de la graisse. En vrai, Antoine, il est très cool parce que. Bien sûr, il est super cool. Voilà, il nous dit vous avez votre propre avis, j'ai le mien. Voilà. Mais c'est ce qui est cool avec Antoine, c'est qu'il a des avis tranchés, mais il laisse les autres en avoir aussi. Exactement. Ça, c'est bien ça. Mais est-ce que ce qui te saoulerait dans Fight Club, c'est pas un peu le truc trop facile de. Oh mais lol, c'était un rêve en fait. Bah en vrai, si on part, alors, waouh, je vais faire un instant culture ultra hautain. Ok. Mais ça me fait un plaisir. Je vais même siroter un petit peu de bourbon. De bourbon. Tu veux dire de goutte de bourbon parce que là. Et il descend goulûment dans ma gorge. Alors, c'est Quentin qui a roté si vous écoutez cet épisode. Cet homme cherche toujours une copine. Hein. Si vous aimez les gros porcs, bah, il est... C'est non, plus mais quoi dire. C'est un homme qui n'a pas peur de se montrer sous son vrai visage. Et ça, c'est rare, mesdames. Donc, allez le chercher. Nu de préférence. Quoi ? Et, okay. Voilà. Et non, bah, si on suit la théorie du monomythe de Joseph Campbell, donc en gros, qu'il a décrite dans un livre qui s'appelle Le héros aux mille et un visages. En gros, toutes les histoires sont une variation d'un seul et même conte, avec à chaque fois les mêmes étapes, tu vois. Quelqu'un qui va te donner un obstacle impossible à franchir, un mentor qui va te donner un objet ou une capacité qui va te permettre... Bref, il y a toujours le même schéma, en fait, dans tous les trucs. Et c'est un bouquin très intéressant qui est super long. L'édition intégrale, je l'ai là, elle fait 1000 pages, un truc du genre. Mais c'est un peu marketing, quoi, de dire ça, que tout est comme ça. Bah non, c'est la vérité, en fait. Parce que tu me disais pas que tu trouvais ça un peu... que t'aimais pas cette théorie. Je l'aime pas dans le sens où ça schématise l'œuvre, tu vois. Donc je trouve que ça enlève son essence, tu vois. Mmh. Mais en réalité, si tu déconstruis le truc et que tu prends seulement l'os, les os plutôt, le squelette, c'est un petit peu ce que tu vois. Tu vois, t'as toujours le même schéma qui se répète avec des variations, bien sûr, mais on a toujours le même mythe du gars qui... Enfin, le mythe du héros, en fait. Le mythe du héros au milieu d'un visage. Bref. Et ce truc répandu, c'était un rêve. C'est même tellement devenu un cliché qu'à chaque fois qu'on voit un truc sur une série maintenant, la fin c'est toujours genre « Oh, imagine à la fin Breaking Bad, en fait, il se réveille, et c'est un rêve. » Et c'est un prof de chimie toujours, en fait. Sachant qu'ils ont réellement fait cette fin alternative où c'est Hal, le père de Malcolm, enfin Brian Cranston dans Malcolm, qui se réveille avec le Fedora d'Heisenberg sur sa chaise et la mystère, on ne sait pas. J'adore. Ouais. C'est et cool. Il dit à Loïs... Oh, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve des plus incroyables. Oh, tu ne me croiras jamais. Je vendais de la cocaïne, de la méthamphétamine pour soigner mon cancer des poumons. Et ma femme attends, était... Attends, mais il parle pas du tout comme ça. Il est pas énervant comme ça, Heisenberg. Ah bon ? Ah, je croyais... Ah, mais c'est le doublage. Ah c'est... Attends, mais t'es une poule. T'es clairement une poule. Non. C'est l'autre dans la soupe aux choux, là. Comment il s'appelle déjà le martien ? Je sais plus comment il s'appelle. T'as le glaume. Glub. Mais non. Non, en fait, je me souviens plus du tout de ce film. Tu m'englues dans tes blagues. C'est insupportable. Waouh. Mais non, en réalité, ouais, ce qui énerve avec ce genre de film, c'est vraiment les communautés cancer qui. Enfin, en fait, c'est dans toutes les communautés extrémistes où tu peux. Non, c'est bon, on a encore le temps. Où tu peux absolument rien dire, tu vois. Et le problème, c'est que les débats, bon, déjà, ça sert à rien parce que ça fait toujours perdre du temps. La plupart du temps, 95% du temps. Mais quand t'essayes d'avoir des arguments avec certaines de ces personnes, c'est vraiment genre bloqué de A à Z et tu peux même pas discuter, tu vois. C'est genre, par exemple, non, t'as si rien compris. Si je te dis James Bond, pas si ouf. Alors t'es un malade. Et ça, c'est catégorique. Là, attends, c'est vraiment l'antithèse. Non, mais il y a des choses avec lesquelles on peut parier, en fait. James Bond. Non, mais c'est tout, en fait. Je te trouve un peu campé sur tes positions. Mec, écoute, je fais un effort surhumain pour rester extrêmement calme. Je suis calme, là. Je l'ai pas aimé. Alors, tu l'as du fait. Du tout, c'est de la merde. C'est de la merde, j'ai pas aimé du c'est, tout, c'est de la merde. C'est de la merde. Si j'avais un... Revolver. Gun, je t'aurais buté. Alors, écoute, t'as cité deux films. Oui. J'ai bien envie d'en citer un. Vas-y. Qui n'est autre quand même que Retour vers le futur. Oh là là. Alors ça, c'est un grand classique des incohérences temporelles, il faut le dire, tout de même. Non mais en vrai... Attends, mais t'as pris la voix de Doc, là. C'est un grand classique, nom de Zeus. Ça, c'est Doc. Oui, Marty. Je viens de me rendre compte qu'il a cette voix, en fait. Mec, on est complètement dingue, je pense. Oui, attends, c'est le bourbon. Est-ce qu'on serait pas dans Shutter Island ? Non, t'as spoilé. Oh là là. Oh là. Mais il spoil de ouf. Je mettrai une alerte spoil, c'est tout. Voilà, basta. Je vais pas commencer à me fatiguer. On est là pour parler, échanger un bon moment. Comment est-ce que tu veux qu'on aille à l'essence même de nos sujets, de ce qui nous passionne, si on se met des barrières ? Mais parce qu'on donne envie aux gens. C'est ça notre métier. Exactement. Vendre du rêve, mettre des étoiles dans les yeux et leur des montrer gosses, les choses. On leur met des étoiles dans les yeux, des petits gosses, comme ça, bam dans ta gueule. Et après, tu leur vends des jouets. Parce que vive le marketing! Vive le commerce de Noël! Franchement, le nombre de fois où on a crié dans ce podcast, ça sature de ouf. Je plains plus tes voisins que les auditeurs. Bah, moi non. Les connaissants, non. Parce que c'est eux qui me plaignent normalement. bref. Ouais, Retour vers le futur, c'est la première fois où je me suis dit waouh, on peut. Alors, j'avais eu plein d'autres films de science-fiction, tu vois. Mais c'est quand même la première fois où vraiment je me suis dit. Waouh, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Il y a plein d'univers différents. À chaque fois qu'ils changent un truc, ça a fait un truc. Enfin, vraiment, je me suis dit, il y a une vraie cohérence. Enfin, dans l'incohérence, c'est cohérent, tu vois. Et il y a vraiment des archétypes très, très précis de personnages qui marchent tous très bien. Ah ouais. Et ça fait un univers qui est en osmose complète et tout fonctionne super bien. C'est vraiment un des meilleurs films. Ouais, une des meilleures sagas que j'ai vues. Moi, c'est mon top 3, Retour vers le futur. Ah ouais, vraiment. Ouais, clairement. Même la musique légendaire. Oh là là. C'était la version de Pavarotti, suivie de celle de Mickey Mouse. En espérant que vous ayez... Et du coup, ouais, ce qui est bien aussi avec Retour vers le futur, c'est tous les... les lignes temporelles qu'on traverse. Et je trouve que c'est ouf de réussir à créer autant d'univers dans un seul film, tu vois. Parce que des fois, ils changent, je crois, trois fois de... Dans le 2 ou le 3, ils changent trois fois de... Dans le 2, ouais. De lignes temporelles et tout. Et c'est, je trouve ça trop cool parce qu'à chaque fois, il y a des trucs qui se répercutent, machin et tout. Enfin, c'est ouais, genre c'est comme le Two Pines machin qui devient le One Pines Mall, je sais pas quoi là. Ce ouais, genre c'est de truc. Un petit clin d'œil en fait. Ouais, des petits easter eggs, des trucs comme ça. Et c'est super bien. C'est, en fait, c'est, ce qui est bien avec ce genre de film, c'est les petits détails qu'ils ont mis et qui prouvent que l'équipe qui est derrière ça a mis du cœur à l'ouvrage, tu vois. Ouais. Et ça, ça fait plaisir parce que plus que de voir un film qui nous fait plaisir, quand tu sais qu'en plus les gens qui l'ont fait ont eu du plaisir à le faire. Alors là, c'est un bonheur sans nom. En plus, c'est un bonheur les acteurs jouent si bien. Mais que la version française, qui, malheureusement, Parkinson aujourd'hui, ça me rend tellement triste. C'est dommage. Pour enfin, franchement, c'est pas un nom ultra stylé. Michael J. Fox. C'est hyper beau. Jean-Claude Van Damme. C'est rien. Gérard Depardieu. Gérard Jugnot. Michel Blanc. En France, on a que des beaux acteurs. Mais qui c'est qui nous a élu meilleur podcast de l'univers cette semaine, hein? Alors, j'ai pas l'info. T'as pas l'info? C'était pas. C'était anonyme cette fois? Non, c'était pas sur la fiche technique. Tu l'as eu ou pas, non? Bah, est-ce qu'on aurait raté? Genre, on est passé deuxième? Non, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Attends, je vais checker sur IMDb. Vas-y, check. Non, on est bien, bien premier. Ah putain, j'ai eu peur. Non, c'est. On est toujours premier. Mais bon, faudra voir qui est le juriste cette semaine. Ça sera intéressant. Écoute, je t'invite à passer à autre chose car les spectateurs ne sont pas là pour ça. Cette position est agréable. Oui. Mais tu as déjà fait cette blague. Et je t'ai déjà répondu, oui. Ça ne l'est pas. Moi, ça va. C'est grâce à la carapace de muscles car je suis extrêmement musclé. Super sympa. Et en plus de... et super sympa. Il est super sympa. Et super sympa ce mec. Mais non, à part non, à un part, autre film. Retour... Non, attends, t'en as cité deux. J'en sais deux. C'est tout. Parce y a que pas là, de... Non, il n'y a pas de règle. Juste dire tu te calmes. Bon, tu te calmes et tu apprends le respect. Merci. Le deuxième film dont j'ai envie de parler. En plus, je l'ai oublié à cause de toi. Attends, Retour vers le futur et quoi? Puis... Non. Je vais me suicider. Mec. Attends, non. Inception. Non. Non. C'est une fresque où je me suis dit. C'est une fresque. Oh là là, mince, j'ai complètement oublié. Peut-être tu peux parler d'un autre truc en attendant. Un autre film à twist, Inception. Enfin, c'est pas vraiment un twist, c'est plutôt un cliffhanger, non? Attends, le twist final, la toupie, elle tourne ou pas? Alors qu'en fait, c'est la bague, le totem. Eh oui. Lol. Attends, quoi? Bah oui, c'est la bague, le totem. Tout le monde est concentré sur la toupie, alors qu'en réalité, c'est la bague qu'il a à la main qui indique s'il est dans un rêve ou pas. Attends, mais ma brain comme ça, Nolan. Et ouais, mon pote. Quel bâtard. Mais c'est, en fait, c'est ça. C'est le dernier plan sur la toupie qui conclut l'hypothèse que c'est ça qui est important, puisque dans tout le film, on fait ça. Donc forcément, finir ton film sur ça, tu crois que c'est ça. Alors qu'en vrai, avant de se concentrer, de faire l'insert final sur la toupie, tu vois les mains et tu vois qu'il a une bague ou pas. Je te laisserai le revoir. Oh, finalement, c'est vraiment que je le revois. En plus, la première fois que je l'ai vu, celui-là, j'ai rien compris. Parce que j'avais décroché à un moment, je sais plus ce que j'avais fait. Et je pense qu'il a fait ça à tout le monde. Ça fait partie des films où quand tu le finis, tu dis waouh, ouais, et je suis drogué. Je suis drogué ou pas? En plus, le moment où j'étais pas dedans, c'était quand ils expliquaient cette histoire de totem. Du coup, à la fin, j'étais là. Ok, totem. Ça se finit sur une toupie. Il y avait des Indiens. Quoi? Yakari. Tu connais Yakaris? Yakaris. Yakari, tu l'as ou pas? C'est l'Indien des bandes dessinées animées là. Ouais, tu l'avais ou pas? Ouais, mais putain, le mec, je viens de penser à un crossover et je vous laisse avec cette idée en tête. Il y a Kari, l'Indien des bandes dessinées, et Karis, le trappeur. Faites un mélange des deux. Faites-vous votre image mentale 5 secondes et ça sera la pause. And ladies and gentlemen, we're back on live. Nous sommes de retour. Mon deuxième film, celui dont je voulais parler, n'est autre. C'est l'un trop. Oh oui. Non, c'est Mission Impossible. Fallout. Fallout. C'est ça. Celui qui se passe à Paris le dernier. Ouais. Oh, il est vraiment très bien niveau action et tout avec Henry Cavill. Il est vraiment très bon. Et bien sûr, Henry Cavill, toujours Tom Cruise. Oui, évidemment. Vraiment trop bien. Genre, quand je l'ai vu, je crois que je suis allé le voir deux ou trois fois en tout. On est allé le voir deux fois avec toi. Ciné, ouais. Je crois que je l'ai vu une troisième fois. Et vraiment, je me suis dit, waouh, j'ai envie de réaliser des trucs aussi cool que ça, tu vois. Ouais. Genre vraiment. T'es dedans du début à la fin. La musique. Vraiment, est la musique incroyable. Est parfaite. La BO, allez écouter la BO, elle est disponible sur Spotify, elle est vraiment bien. Elle accompagne tous les moments, que ce soit d'action ou de suspense, où tous les moments sont accompagnés par une musique qui est jouée, mais oh là là. Il est vraiment cool. Il ça prend au trip. Il est vraiment cool. Il y a pas mal de très bonnes scènes, plein de tensions. Tom Cruise qui fait toujours la plupart de ses cascades et tout, excellent, malgré son âge. Parce qu'il commence à vieillir, le bon Cruise. Il a plus de 50 ans, non ? Ah là là. Mais on va rentrer tout doucement dans une période noire où tous les Schwarzenegger, De Niro, Al Pacino. Non, je veux pas y croire. Mec, imagine tous ces gens-là qui ont marqué le cinéma, ils vont mourir en une dizaine, vingtaine d'années. Pas du tout. Franchement, en vrai, ça fait mal au cœur. Ils sont éternels. Terminator. Alors, tu rigoles, mais en réalité. Le cinéma, c'est le seul art où tu es absolument éternel à jamais. C'est vrai. Éternel à jamais. Parce c'est que tu as la voix et le visage de la personne. Alors que la musique, alors hormis dans les clips, bien sûr, mais par exemple, t'écoutes Mozart. Quel tronche il a, Mozart? Il y a aucun selfie de Mozart. Peut-être il est moche. Mozart, ton compte Instagram, il est où? Quand j'ai ouvert mon frigo, Mozart est là. Pourtant, on dit qu'il est mort. Non, mais voilà. Et par exemple, même que ce soit dans la sculpture... La peinture, la danse et tout, tous ces gens-là, hormis lors de représentations, de photos, etc. Attends, mais tu embrasses le micro. Arrête ça, c'est dégueulasse. Je me gratte le nez. Tu pètes, tu essuies ta morve, mais t'es un... Je me gratte le nez, le bout du nez, là. Mais qui fait ça? Moi, parce que j'avais la flemme de ramener ma... Ça, c'est quoi comme objet, ça? C'est un gratte-nez. Non, ça, c'est quoi comme objet? C'est un micro avec un gratte-nez sur le bout. Avec une bobine. Ça, c'est quoi? C'est une bouche. Oui. Quand tu l'ouvres, il se passe rien. Mais si tu expulses de l'air à travers un système complexe de cordes vocales... du bruit. Essaye dans le micro. J'ai entendu. Mais ça veut dire qu'on peut parler. C'est dingue. Waouh. Donc tu peux arrêter de frotter ton putain de nez. Je frotte mon nez où je veux d'abord. Et c'est souvent dans la gueule. Vraiment Mission Infolite Fallout. Mission Insolite, c'est le nom du porno. Ça m'a toujours fasciné les parodies porno des films comme ça, genre Blanche Fesse et les 7 mains, les trucs comme ça. C'est beau. C'est le 8ème art, on peut le dire. Mais je me suis toujours demandé, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui regardent ça? Parce que c'est quand même super bizarre. Moi, j'en ai déjà regardé pour la science. Pour me marrer. Yes. Et le cul. Et me masturber après. Le quoi? Attends, mais ta mère regarde le podcast. Voilà, ta mère qui a la foi, elle va la perdre. Là. Ah, Star Wars, la grande saga Star Wars. Non, en réalité. T'as vraiment eu le ton d'un chroniqueur France Inter. Star Wars, la grande saga Star Wars. J.J. Abrams, George Lucas. Et maintenant, on retrouve tout de suite. L'argent, les milliards de Disney. Pour en parler. Non, je voulais parler. Des films coréens, Oh là là, j'en ai même pas parlé alors que c'est mon cinéma préféré. Exactement, je voulais te lancer là-dessus. Non, c'est vrai? Ouais, parce que je voulais parler de ça parce qu'on a vu... Rien n'arrive à la hauteur du cinéma. Après, tu peux me laisser parler. Rien n'arrive à la hauteur. Non, j'en ai rien à foutre. On a vu récemment Oldboy qui est... On a revu Oldboy au cinéma parce qu'un cinéma de Strasbourg, on a eu la chance qu'il... L'Odyssée. C'est vrai, gros big up à l'Odyssée. Ouais, enfin, il y a quand même eu énormément de problèmes de son pendant la séance. Des fois, on avait 5 minutes, il n'y avait pas de son. Il n'y avait pas de son, mais il y avait les sous-titres. Ouais, mais attends, Miski. Ouais, les sous-titres. En plus, la qualité d'image, déjà, qui est vintage du film, projeté avec la qualité de la salle, mon gars, je me suis dit, c'est une expérience là. Et ça, ça sentait un peu le vieux hein, dans le cinéma. Alors, tu t'y connais beaucoup en vieux, visiblement. Hashtag Cougar. Gérontophilie. Lancez toutes vos théories de Granny et vos fanfics de Vincent avec toutes les femmes de plus de 70 ans. 75, bien sûr. Mais non, on l'a revu c'est au ciné. C'est dans les meilleurs pots qu'on fait les meilleures cuisines. Hein. Confiture. Enfin, qu'on... Oui, bon, bah... Qu'on fait les plats succulents. Si c'est pour parler, ta gueule, en fait. Ferme ta gueule, un peu. On dirait l'oncle bourré. Si c'est pour parler, ferme ta gueule. ouais, on l'a revu. Et est-ce qu'on peut... On peut dire... Ça... Quel plaisir. Alors, on peut dire quel plaisir. tout court. Ouais, c'est vrai. On peut juste dire ça. Et vraiment trop bien. Tout le cinéma coréen qu'on a vu récemment, par exemple Parasite. Ouais, très cool. Dernier train pour Busan. Très cool. Mademoiselle, très cool. Lost. Non, Old Boy. Lost Boy, c'est pas du tout un film coréen. Là, t'as pas vu Lost in Translation? Non, à chaque fois, je pense à le regarder, mais je n'ai jamais passé. C'est un des films les plus beaux et déchirants que j'ai jamais vu. Faut que je le regarde. Oh, la fin, à chaque fois, elle me... Je rentre chez moi, je le regarde. Impossible. Après avoir joué à Red Dead Redemption. Attends, mais tu serais pas un peu geek? Ah si! Tu serais pas un peu un gamer? Oh, je suis trop un gamer! Un game? On est désolé, vraiment. Je crois que c'est le podcast avec le deuxième épisode et le premier... Où on est les plus. Eh, on était mal. On était mal là. Est-ce qu'on peut faire un petit message de prévention au milieu de podcast pour vous dire de ne pas utiliser de casque pendant cet épisode, s'il vous plaît. À sous peine de ne plus avoir d'oreilles. Je vais vous demander quelque chose, mes amis spectateurs. Oui. Premièrement, ne mettez pas de pouce rouge suite à cette intervention. Ça serait dommage. Pour tout le travail qu'il fait, voilà. ne nous blâmez pas tous les deux. Merci, s'il vous plaît. C'est ma faute. Donc j'en viens à mon deuxième point. Montez une équipe et fumez-moi cet enfoiré. Je vous donne son adresse en commentaire. Il est encore. C'est horrible. Jean. Non, je dirais pas plus. Après c'est un nom de peintre. J'habite à Chicago. Tu l'as dit. Tu veux que je bip ou pas? Bah oui. Ok. Sinon j'aurais trop de super. Fans, merci le montage. Bref. Non. En vrai, c'est vrai. Allez, terminons sur le cinéma coréen. Oui. On n'aura pas parlé de tellement de films, mais on Lady a parlé. Lady Vengeance. On a parlé. Ah oui, bien sûr. Moi, je l'ai vu, mais j'ai pas. Il y a assez peu de gens qui l'ont aimé, mais je peux comprendre parce qu'il est un petit peu plus lent, mais il est toujours aussi intense. Et en fait, je trouve que c'est ce qui marque profondément le cinéma coréen, c'est l'intensité, que ça soit de l'acting, du choix des musiques, du choix des lieux, de la réalisation, du montage. Enfin, il y a vraiment un esthétisme dans l'art cinématographique coréen qui est absolument incroyable. Dans le cinéma américain. Cinéma américain, tu vois, c'est très souvent les mêmes codes. Aseptisé un peu. Je dirais pas aseptisé, tu vois, t'as quand même des réalisateurs qui ont du caractère. Par exemple, Guy Ritchie ou Edgar Wright, tu vois. Alors, Guy Ritchie est plus décrié ces dernières années surtout. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait de pas bien ces dernières années? Le Roi Arthur, les gens l'ont peu apprécié. Ah ouais. Ce que je peux comprendre, moi je l'ai apprécié plutôt bien. J'aime beaucoup Guy Ritchie, j'ai hâte de voir son nouveau film, Gentleman, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, ou The Gentleman. En fait, j'adore tout ce qui est dynamique et technique de montage, et c'est vraiment deux réalisateurs qui sont extrêmement forts là-dedans. On se souvient tous des inserts ultra rapides de Edgar Wright qui sont rythmés sur la musique et tout. Quand ils sont dans le bar, c'est quoi le truc avec les... Le dernier pub avant la fin du monde. Je crois que c'est ça. Ou alors Shaun of the Dead, ils sont dans un bar aussi. Je crois que c'est Shaun of the Dead. Et au bout d'un moment, ils tapent tous sur quelqu'un avec des battes. Je crois que c'est un zombie. Et sur le rythme de la musique, ça fait... Pouf, pouf, pouf, pouf. Et ouais, ça, c'est le genre de truc où tu dis « Waouh !» Baby Driver aussi. Putain, très Edgar Wright, bon excellent, film. Excellent. Là. Avec je savais pas que c'était lui. Motherfucking Jamie Foxx. Je crois, non? Y a pas Jamie Foxx? Jamie Foxx, je sais plus. J'en suis quasiment sûr. Je l'ai vu qu'une fois. À moins que je confonde. Il est vraiment très bon. Attends, mais Michael J. Fox, Jamie Foxx, vous êtes style quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? C'est Edgar Wright qui a fait ce film. Mais il est pas plutôt scénariste, plutôt normalement? Ah non, c'est un réel. Ah ok. C'est un réel. Hein. Je savais pas. Edgar Wright, non, non. Excellent. Titre Baby Driver, titre québécois. Alors ils ont gardé Baby. Bébé roux. Baby le chauffeur. Baby le chauffeur. Et c'est qui? Tintin. Attends, franchement, je serais extrêmement. Si, il y a Jamie Foxx, voilà, c'est bien ce que je pensais. Et il y a bien sûr Kevin Spacey. Pardon. D'ailleurs, ça a donné quoi? Il a été John Hamm. Qu'est-ce qu'il est stylé, Mad Men. Je crois que c'est. Non. Fais voir. John Hamm, c'est pas Mad Men, c'est. Si, c'est Mad Men. Reservoir Dogs. Et l'épisode de Noël de Black Mirror. Il est pas dans Reservoir Dogs? Non. Non. Non, j'ai confondu. Non, tu confonds avec Mads Mikkelsen, je pense. Ah, exact. Et voilà. Bah voilà, on a fini. Non, j'ai... Le cinéma coréen. Pourquoi toi, tu as cité ça? Parce que moi, j'adore ça et je... J'avoue. C'est sublime. Je suis transcendé. le gars J'appelle Monsieur Goriak. Le gars part en exorcisme. J'appelle Monsieur Gorillac, mon proprio. Oh oui. Il est exorciste aussi. Il est, il est propriétaire. Non, t'avais l'air de faire un AVC, donc je me suis dit peut-être ça peut être corrélé les deux, mais bref. T'imagines le film L'Exorciste où la meuf fait une crise, enfin des convulsions, tu vois, d'exorcisme, et ils appellent genre quelqu'un du SAMU. C'est pas un AVC en fait, elle t'a appelé un prêtre. Vraiment, là, elle a la voix du démon. Ouais, je vais bouffer des couilles. Non mais c'est un truc comme ça, je me souviens plus, ok. Bon. Je me désolidarise. Oh mec, arrête, t'as dit que tu leur pissais au cul avant, alors non, c'est pas à moi que tu vas faire cette blague. J'ai dit à tout le monde. Allez, suivant. Un film qui m'a énormément marqué. Exact. Moi j'adore celui-là. Un film pour lequel j'ai pleuré au cinéma. J'ai versé quelques larmichettes, on peut le dire. Attends, j'ai peur là. Spider-Man. Non. En non, plus, t'as vraiment pleuré devant Spider-Man. Le 3, oui. Ouais. Je sais. Écoute, on était jeunes, voilà. Ça n'excuse pas tout. C'est vrai. Non, Interstellar. C'est vrai qu'il est extrêmement touchant. C'est tout à fait vrai. Très humain. Le passage très humain. Où le père qui est dans l'espace qui voit revoit sa fille qui a grandi, qui lui envoie des vidéos. Ouais. Alors que lui, il ne bouge plus. Ah, c'est avec, déchirant. Avec les musiques toujours incroyables. L'orgue. Hans Zimmer. C'est quoi ce bruit C'est quelqu'un qui ferme ses volets. Ou c'est un fantôme, au choix. Ah, j'entends pas. Mais ouais, Interstellar, ah, incroyable. Dingue, que ce soit à la fin ou le passage où il voit ses enfants qui ont grandi. Et une vraie proposition, d'ailleurs, au niveau du concept, à la fin, ouais. Avec tout ce truc en fait, intemporel et interdimensionnel où qui est relié, elle lui parle en morse depuis le début, en fait, avec le truc des poussières. Enfin, ouais. C'est vraiment bien pensé, vraiment très cool. Excellent. C'est qui, déjà Les concepts de planète aussi sont fous. Moi, la planète où ils sont avec les vagues qui géantes, font des kilomètres. Et s'ils restent trop longtemps, ils vieillissent encore oui, je sais pas combien ça. De temps. Genre, ils remontent dans le vaisseau, le gars a pris genre 20 ans. Ouais. C'est, mec, je crois imagine que une minute, c'est 7 ans, un truc comme mec, ça. Imagine en vrai un truc comme ça. Ouais. Je j'attends mec, depuis 20 ans. J'ai eu un mini vertige là. Ouais. C'est incroyable. Imagine genre. Imagine, je me rappelle quand ils rentrent dans tu le vaisseau. Voilà, j'ai 23 ans de plus. Ah, mais ça, c'est pas grave. Parce que je dirais, yes, bientôt mort. Mais mec, t'imagines, tu rentres dans le vaisseau et genre, ah ouais, non, franchement, l'enfer. C'est terrible. L'enfer. Ouais, mais les concepts de planètes sont dingues et je trouve ça, j'adore les trucs comme ça où tu voyages. Ouais, voilà, exactement. En plus, c'est pas compliqué. Exactement, hein, c'est juste ce que j'allais dire. C'est juste une planète où il y a que de l'eau. Exactement, et ils sont dit, des vagues. À une certaine période, il y a des vagues géantes qui arrivent et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Légère interruption, désolé, on a encore eu un satané problème de pile. Ça va, mais on s'en rend compte tout de suite. Vous ne ratez rien. Tu disais quoi ? Je disais juste que les concepts de planètes qui étaient simples comme ça étaient ultra intéressants. Mmh. Et en fait, quand tu vois la vague arriver sur eux, tu sais qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Quoi. Et il y a vraiment un moment où ils se disent « Ok, il faut vraiment retourner au vaisseau ». Parce que la vague est en train d'arriver, il la voit de très loin, vu qu'elle fait des kilomètres ou un kilomètre, je ne sais plus. Exact. Et elle fait une tonne. Elle fait 50 centimètres cubes. Tu sais, en fait, genre, ils font une énorme vague. Ouais. Et en fait, ils dézooment et à la fin, c'est genre 50 centimètres. Ça... Et tu sais, ça fait... Ah ouais. Bon, bah, ça va. Ça va, en fait. Et fin, tu sais, fin du film. Mais ça... Attends, c'est Retour vers le futur, c'est pas Interstellar. Mais ça, c'est du Nolan. Nolan, oui, exact, qui est peut-être mon réalisateur préféré. Ah ouais ? Ouais. Ça y est, tu t'es décidé ? Alors, il y a Nolan et Tarantino. Je pense les Tarantino. Deux au même niveau. On n'a même pas parlé de Tarantino en plus, dont quasiment tous les films sont incroyables. Écoute, moi, j'ai pris une claque devant chacun de ces films. Ouais, en fait, ce qui est bien avec Tarantino, c'est qu'il arrive à faire un cinéma qui est très pop, tu vois. Ouais. Vraiment très sympa, très, très commercial, très populaire. Et en même temps, avec de grosses références, de gros partis pris. Alors, bien sûr, énormément d'inspiration venant d'autres films. Hein. On le connaît, le bon Quentin. Tu rappelles son prénom parce que tu as le même, peut-être. Tu t'identifies pas à lui. On est tous les deux réalisateurs et je suis bien meilleur, mais il n'y a pas de malaise. Attends, mais tu es un personnage. Tu es un personnage de Dragon Ball. Attends, t'imagines les sessions doublage en studio, quand même, ça devait être incroyable. Ouais, bah écoute, Nolan. Écoute, allez, on a encore 5 minutes. Est-ce que t'as envie de parler de quelque chose ou est-ce que je... Bah écoute, en pensant à Nolan, vite fait, je pense à Le Prestige, le film. Que je n'ai pas vu. C'est vrai ? Toujours pas. Le jour, en plus, assez récemment, il y a un mois, je voulais le voir et je sais plus pourquoi je l'ai pas vu. Trop bien. Si tu veux, on le regardera ensemble. Il est vraiment, vraiment cool. Allez. Vas-y, la session est prise cinéma à la maison. La session cinéma. Mais est-ce que toi, tu voulais parler d'autre chose? Un film qui t'a vraiment marqué. Genre le premier film où tu t'es dit, ok, ça c'est du cinéma. Enfin, c'est plus juste on me montre des choses, c'est on me raconte quelque chose et on me fait éprouver quelque chose. Waouh, un film où j'ai eu le souffle coupé. Le premier. C'est alors, possible. Franchement, c'est dur parce que. Les films, c'est un peu comme je trouve que c'est un petit peu comme des souvenirs. On en a une appréciation très particulière, plus on s'éloigne de la date à laquelle on l'a regardé, donc plus ça devient ancien, plus ça devient une sorte de couleur ou alors une sorte d'émotion, tu vois. Mais par exemple, j'ai vu des super films, et là, je suis sûr que je pourrais pas te les dire. D'ailleurs, j'ai une liste Google Drive avec énormément de films que j'ai essayé d'update, mais j'en vois tellement que j'ai abandonné au bout d'un moment. Oh là là, le mec est privilégié, quoi. Mais quoi? Non. Attends, mais ce que tu dis n'a aucun sens. Ce que tu dis. Alors, j'aimerais bien en citer un de cœur, alors que j'ai vu quand j'étais minot, tu vois. Tout minot, tout petit. Quand j'étais gamin, mais que je régnais déjà hein, sur la rue, bien évidemment. Oui, toujours. J'ai vu Wasabi. Une comédie française, alors honnêtement, qui ne paye pas de mine, tu vois, c'est un assez petit budget. D'ailleurs, faut voir la gueule du making-of, c'est assez incroyable. Hashtag Windows Movie Maker, mais très bien fait. Mais alors, ouais, franchement, le film est. Y a une... En fait, ce qui me plaît le plus, alors, outre le fait que ça se passe au Japon, bien évidemment, et que ce soit très drôle, c'est que, ouais, il y a vraiment des gags qui sont assez marrants. Bon, il a assez mal vieilli sur certains points, genre l'explosion de. Enfin bref, j'en dis pas plus. Fight Club, mais parce pas en vrai. En vrai, il est assez peu connu, je trouve. C'est vrai. Ouais. Et c'est vraiment un feel good movie, tu vois. Tu vas le voir et tu vas te dire, bon, je vais jamais le retenir comme mon top 10, mais t'as passé un agréable moment. Et c'est un film qui est vraiment sincère dans ses personnages, tu vois. Je trouve que la relation entre. Il y a une relation de paternité dans le film qui est très cool. Il y a une vraie amitié aussi, il y a plein d'autres trucs. Et franchement, c'est un film qui n'est pas très ambitieux, mais j'ai une espèce de saveur un peu doux-amère, tu vois. Pour moi, c'est un peu le film de l'enfance. Je l'ai vu énormément de fois et à chaque fois que je le vois, je me rappelle plein de souvenirs. Je me rappelle le collège, la primaire. Enfin, pour moi, c'est un film vraiment spécial. Et je pense qu'on a tous des films comme ça qui ne sont pas incroyables. Mais comme tu les as vus en étant enfant, ça t'a mis vraiment un univers et plein de sensations dans les yeux que tu n'oublies pas, tu vois. Et ça fait vraiment un truc où ça peut être un des films les plus bidons du monde. Tu vas dire quand même, j'ai une affection particulière. Voilà, tu vois. J'adore ça. Il y a un vrai truc avec ça. Et ouais, voilà. Donc je ne peux que vous encourager à voir Wasabi. Qui est vraiment très cool. En plus, il y a des choix de musique très très cool. Ouais, et ouais, c'est un film qui y a une authenticité qui m'a profondément marqué dans ce film. Et j'avais envie de le placer. Voilà, petite dédicace. Alors, c'est une production Luc Besson, mais le réalisateur s'appelle. C'est une production Europacorp. Tarantino. C'est le tout premier film de Tarantino. Non. Attends, Wasabi film. Mais c'est un réalisateur peu connu hein, qui s'appelle bref, écoute, tu le trouves même difficilement. Gérard Krauzic, je sais pas comment il s'appelle. Il a fait Taxi 2, il a fait L'été en pente douce, Héroïne et Fanfan la tulipe. Donc si vous avez vu Fanfan la tulipe et que vous avez aimé, bah c'est lui qui l'a fait. Bon. Ah, il a fait L'Auberge rouge aussi en 2007, ça je me souviens avoir vu des pubs, il a fait Taxi 4, Taxi 3. Et il a fait un film qui s'appelle Je hais les acteurs. Quoi, il s'appelle comme ça? Exact. Et bref, du coup, ouais, Wasabi, très cool, avec Jean Reno, Michel Muller et Ryoko Hiroso. Souhait. Et vraiment très cool. Europacorp, TF1, Studio Canal, vraiment très cool. Comédie action, 1h34 de votre temps en 2001, c'est pas beaucoup. Donc faites-vous plaisir, faites-vous une petite soirée chill, tranquille. Où vous mettez votre cerveau sur le côté et juste vous vous laissez happer comme ça par un tourbillon de bienfaisance, de Japon, de bienveillance et de nipponnerie. Wow. Vincent, c'est beau. Ouais. Je te laisse. Je vais quand même me redresser un petit peu, car ici, nous sommes entre mains. Et puis, on respecte les auditeurs. Respect Woman 2019. Même si je leur pisse au cul comme un Écoute, je te propose de terminer. Il nous reste 4 petites minutes. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Alors, j'ai envie de dire que allez voir des films, car ça ouvre l'esprit. Y a... En fait, en regardant un film, il n'y a pas qu'une histoire qui est racontée. Il y a, y a l'intention du réalisateur, la façon dont jouent les acteurs, la façon dont ça a été mis en scène, dont la lumière a été travaillée. Il y a beaucoup de travail de l'ombre dans les films. Oui, il y a beaucoup de techniciens de l'ombre qui ne sont jamais cités. Ouais. Et c'est ouf parce que pour la plupart des gens, on dit souvent « Ah ouais, c'est Tarantino qui l'a réalisé. » Alors qu'en vrai, il y a énormément de gens qui mettent la main à la pâte pour lui permettre de créer une œuvre comme ça. C'est ça, exactement. C'est... Pour que lui ait juste à se concentrer sur ce qu'il fait de mieux. Quoi. Voilà, dans le rap, ces derniers temps, les beatmakers ont beaucoup explosé et ont gagné en visibilité ces dernières années. Et à raison d'ailleurs, parce qu'ils sont réutiles. Ils participent pour moi allez, 60% du succès du morceau, peut-être même plus, 70-30 peut-être. Je trouve que c'est 70% du beatmaker et 30% du rappeur. Mais effectivement, il y a tous ces gens de l'ombre qu'on a tendance à oublier. Donc, gros bisous à eux, bien sûr. Gros shout-out à tous ces gens qui permettent que l'art existe. Et sans art, il n'y aurait pas de rêve. Et sans rêve, il n'y a pas d'être humain. Oh, waouh! En tout cas, maintenant que Quentin est parti et que le podcast est à moi, je peux faire n'importe quoi, Arrête-le. Non, on va terminer ça tranquillement. Allez. En vous disant, prenez soin de vous, car... C'est le plus important. Mais, surtout, allez voir des films. Ouais. Rêvez encore et encore. Rêvez. Et atteignez vos rêves. Donnez-vous la force d'y arriver. Exact. Car tout ce que vous avez vu autour de vous a été fait par des gens qui ne sont pas plus malins, pas plus forts ou pas différents de vous. Tout ce qui a été fait, vous pouvez le faire. Donc, sortez-vous les doigts du cul si vous avez vraiment des rêves. Voilà. Et faites ce qui vous tient à cœur. Parce que vous pouvez largement le faire. Entourez-vous de gens bien. Soyez optimistes. Et surtout, passez à l'action. Et rien ne sera impossible. À la prochaine. À la prochaine. Bisous. On veut de l'argent. Et des abonnés. Ah oui. On veut de l'argent. Et des abonnés. Oui. On veut de l'argent. Et des abonnés. Ah ça oui, on en veut. On veut de l'argent.